Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, la prise d'otage à l'ambassade américaine de Téhéran au mois de novembre 1979. Plusieurs centaines d'étudiants iraniens prennent d'assaut l'enceinte diplomatique des États-Unis située au cœur de la capitale. Nous sommes le 4 novembre 1979. En l'espace de quelques heures, les jeunes assaillants se rendent maîtres des lieux. Ils font prisonniers les 66 membres de la délégation, arrachent le drapeau américain et le brûlent sur le sol. Le soir même, les ravisseurs annoncent qu'ils ne libéreront les otages que lorsque les États-Unis accepteront de renvoyer le Shah en Iran afin qu'il y soit jugé. C'est le début d'un bras de fer diplomatique entre Washington et Téhéran. L'affaire des otages américains va tenir en haleine l'opinion internationale pendant 444 jours et elle va avoir des conséquences profondes sur la vie politique aux États-Unis. Aujourd'hui, bientôt 40 ans après les faits, à la lumière des derniers témoignages rendus publics et grâce à des documents d'archives inédits, nous allons vous raconter les coulisses de l'une des crises diplomatiques les plus graves de l'après-guerre. Notre invité aujourd'hui, l'ancien diplomate Louis Amigue, premier conseiller à l'ambassade de France à Téhéran. Au moment des faits, il a rencontré les otages américains durant leur captivité. Il reste aujourd'hui un témoin privilégié de toute cette affaire. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat exceptionnel avec les archives diplomatiques du ministère des Affaires étrangères et de l'Europe, et avec l'INA bien sûr. Émission préparée aujourd'hui par Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyenne Guyenne. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Je vous parle en ce moment en direct depuis l'aéroport où l'ayatollah Khomeini vient de terminer, il y a une dizaine de minutes, son premier discours politique. L'Iran a d'ailleurs vécu tout à l'heure, à 9h40, 7h10, heure de Paris, son moment historique. C'est à ce moment-là que l'ayatollah Khomeini, après 15 ans d'exil, est apparu sur la passerelle du Boeing 747 d'Air France, affrété spécialement. Le chef religieux est descendu lentement, soutenu par son fils et un officiel de la compagnie aérienne. Pour ce moment tant attendu par lui et par des millions d'Iraniens, le vieux chef religieux a conservé la même impassibilité que lors des jours ordinaires. Jeudi 1er février 1979, une page de l'histoire se tourne en Iran. La révolution islamique est en marche. L'ayatollah Khomeini, figure de proue de l'opposition au régime tyrannique du Shah, fait un retour triomphal à Téhéran. En l'espace de quelques semaines, sous l'impulsion de cet homme au visage grave, à la longue barbe blanche et à la tête enturbanée, la société iranienne bascule dans une spirale religieuse inédite. Car malgré la nomination d'un nouveau gouvernement, modéré et ouvert, l'essentiel du pouvoir politique est entre les mains du Conseil islamique de la Révolution. Quant à l'ayatollah Khomeini, auréolé du titre de guide suprême, il actionne dans l'ombre chaque levier de décision. À 10 000 km de là, dans les bureaux feutrés de la diplomatie américaine à Washington, les représentants du département d'État affichent leur optimisme. Malgré Khomeini, malgré les religieux, ils estiment que la Maison Blanche et son président, le démocrate Jimmy Carter, pourront toujours orienter la politique iranienne dans le bon sens, autrement dit dans l'heure, et ainsi garder la main sur les immenses ressources en pétrole de ce vaste territoire situé au cœur du Moyen-Orient. Or, la perception américaine de la révolution islamique en Iran est erronée. Lorsqu'on marche dans les rues de Téhéran cet été 79, on constate que les idéaux portés par l'ayatollah Khomeini s'effritent peu à peu. À leur place, l'anarchie et le chaos s'installent. Ingrédient classique d'une révolution, me direz-vous. L'économie tourne au ralenti. Et pour la majorité des Iraniens, le malaise grandit. Plusieurs chefs religieux fondamentalistes en profitent pour défier l'autorité du guide suprême. Certains d'entre eux se lancent dans une surenchère contre l'impérialisme occidental et contre l'ennemi juré, le grand Satan, les États-Unis d'Amérique. Car ici en Iran, personne parmi les 37 millions d'habitants n'a oublié que pendant plus de 25 ans, Washington a soutenu pour le pire le régime du Shah couvrant ses crimes. 25 ans, durant lesquels la police politique du régime, la sinistre SAVAK, formée et armée par les États-Unis, réprimait dans le sang toute forme de dissidence. Conséquence, fanatisé, galvanisé par les prises de position des mollahs, puis de l'ayatollah Khomeini lui-même, obligé de reprendre la main sur un dossier qui lui échappe. Plusieurs dizaines de milliers de personnes manifestent dans le centre de la capitale iranienne, devant les murs de la représentation diplomatique des États-Unis. Chaque jour, ils sont plus nombreux à venir crier « Makbar America, mort à l'Amérique » et à brandir le poing serré en signe de défi à la première puissance mondiale. Parmi cette foule dense et menaçante, on trouve une grande majorité d'étudiants. Et leur détermination, vous allez l'entendre, est totale. All these people came here to support their students. Not just these people, 35 million people. Tous ces gens sont venus apporter leur soutien aux étudiants. Pas seulement eux, mais aussi 35 millions d'Iraniens. 70 000 personnes sont mortes à cause de l'Amérique avant la Révolution. 100 000 aujourd'hui sont encore dans les hôpitaux. C'est l'œuvre des Américains. Derrière les épais murs de pierre de l'ambassade, le personnel américain reste serein, après tout. Dehors, les marines casquées et armées de fusils mitrailleurs veillent. Mais malgré toutes ces précautions, l'impensable se produit à deux reprises. Plusieurs étudiants iraniens escaladent le mur d'enceinte et réussissent à pénétrer dans la cour. Les marines les interceptent et les menottent. Deux incidents sans gravité, mais qui témoignent de l'extrême tension autour des intérêts américains en Iran. Or, c'est dans ce contexte, au milieu de l'automne, qu'on apprend que le Shah vient de trouver une nouvelle terre d'accueil dans son exil, les États-Unis. Ce n'est qu'un quart d'heure avant l'arrivée du Shah d'Iran à New York que les autorités de l'aéroport de la Guardia ont été prévenues. C'est pourquoi le Shah a pu être transporté sans aucun problème à l'hôpital de Cornell de New York. L'impératrice et ses enfants, semble-t-il, l'accompagnent. Un premier bulletin de santé sera publié plus tard dans la journée, mais déjà la chaîne de télévision NBC affirme que Reza Pahlavi serait mourant. Pour les Iraniens, l'accueil réservé au Shah et à sa famille est une provocation. Pire, les mollahs l'interprètent comme le signe d'un futur complot. Les Américains, eux, se défendent et mettent en avant des motifs humanitaires. Mais en coulisses, le Shah n'est pas le bienvenu. Oh que non, encombrant. L'ancien monarque déchu voit son visa à l'intervention conjointe de deux de ses vieux amis, le milliardaire et philanthrope David Rockefeller et l'ancien conseiller de la sécurité nationale, Henry Kissinger. Ce sont eux qui ont convaincu l'administration Carter de l'accueillir. Le président américain est alors loin d'imaginer qu'il a mis le pied dans un engrenage infernal. Car les conséquences de son geste vont se révéler désastreuses. Ce n'est qu'un quart d'heure avant l'arrivée du Shah d'Iran à New York que les autorités de l'aéroport de la Guardia ont été prévenues. Dimanche 4 novembre 1979, Téhéran. La capitale iranienne est une nouvelle fois le théâtre de grandes manifestations. En fin de matinée, plusieurs milliers de personnes convergent vers les grilles de l'ambassade des États-Unis. Au milieu de la foule, on aperçoit des portraits géants de Khomeini, des pancartes aussi sur lesquelles on peut lire « Le Shah est un criminel au service de l'Amérique ». Assis à son bureau, au premier étage du bâtiment diplomatique, Moorehead Kennedy, 50 ans, conseiller commercial de la représentation américaine, entend des cris dans la rue. Il jette alors un œil à la fenêtre. Laïlaïlala, Dieu est unique, scande les étudiants. Le diplomate aperçoit également plusieurs personnes qui tentent d'escalader la grille du portail de l'ambassade. D'autres, plus loin, lancent des cailloux par-dessus le mur, en direction des vitres. Moorehead Kennedy tente de faire abstraction, mais soudain, d'autres crient. Américains, ceux-là. Dans le couloir, les gens courent, dans les bureaux, le téléphone sonne. Moorehead se précipite à sa fenêtre, et là, il comprend. En bas, plusieurs dizaines d'étudiants ont réussi à escalader le mur d'enceinte et ils sont maintenant dans les jardins de la résidence. Présent sur place à Téhéran, l'envoyé spécial du journal Le Monde, Éric Rouleau raconte. Sur les pelouses, armés de gourdins et de lance-pierres, plus d'une centaine de jeunes font face aux Marines. Les militaires américains, à qui on a donné l'ordre formel de ne pas tirer en cas d'intrusion, tentent de repousser les étudiants à l'aide de gaz lacrymogènes et de grenades assourdissantes. La situation est très confuse. Au même moment, des dizaines d'autres personnes continuent d'escalader le mur d'enceinte de l'ambassade. À l'intérieur du bâtiment, dans les bureaux de la délégation américaine, l'ambassadeur ordonne la destruction des documents secrets, des passeports vierges, des tampons et des télégrammes diplomatiques. Tout le personnel est mis à contribution. Alors on vide les armoires, on rassemble les cartons, on arrache les feuillets de centaines de classeurs et on les met dans la broyeuse. Mais au bout d'un quart d'heure d'effort, l'ambassadeur doit se rendre à l'évidence, ce sauf qui peut ne va pas assez vite. Alors, à la hâte, certains diplomates récupèrent des corbeilles à papier, y jettent les documents à détruire et mettent le feu. Dans le ciel, écrit Eric Rouleau, on distingue alors une épaisse fumée noire qui s'échappe de plusieurs fenêtres de l'ambassade et c'est à cet instant que tout bascule. En voyant la fumée, les étudiants ont soudain compris que les Américains tentaient d'effacer les traces de documents compromettants. « Ils brûlent les preuves de l'espionnage !» crie alors l'un des jeunes. « Occupons-nous tout de suite de ce nid d'espions !» réplique un autre. Mouchoir plaqué sur le visage, une centaine de jeunes se ruent vers l'entrée principale du bâtiment. Avantagés par leur nombre, ils maîtrisent les Marines, puis ils bousculent et neutralisent le personnel diplomatique. Ils forcent ensuite, une à une, les portes de sécurité en frappant dessus avec un extincteur. Et ils finissent par arriver au premier étage de l'ambassade. L'ambassadeur est là, les étudiants le font prisonnier. Quelques heures plus tard, lors d'une grande conférence de presse improvisée dans la cour intérieure de l'ambassade des États-Unis à Téhéran, l'un des assaillants exhibe des photos des otages, car telle est désormais la condition du personnel diplomatique, otage. La transgression est spectaculaire, pensez donc, une ambassade, en principe un sanctuaire. Sur les clichés en noir et blanc, on distingue plusieurs personnes, les yeux bandés, les mains attachées dans le dos. Certaines ont le visage tuméfié, d'autres sans la même. Sur l'une des photos, on reconnaît Mohamed Kennedy. À Washington, au soir même de cette incursion dans l'ambassade, la nouvelle de la prise d'otage tourne en boucle à la télé. Pour l'instant, la seule information fiable dont disposent les autorités américaines, c'est un message du premier ministre iranien qui dit en substance qu'il s'agit juste d'un mouvement d'humeur de quelques étudiants extrémistes et que la situation devrait revenir à la normale dans les 24 heures. Contacté en urgence par l'administration Carter, un diplomate tunisien téléphone à plusieurs responsables iraniens proches de Roménie, ce qui permet de connaître les exigences des preneurs d'otages. Primo, que le Shah soit livré au gouvernement iranien. Secondo, que sa fortune soit rapatriée en Iran. Tertio, que les États-Unis reconnaissent tout le mal qu'ils ont fait à l'Iran. Quarto, que les États-Unis s'engagent à ne plus intervenir dans les affaires intérieures de l'Iran. Tant que ces conditions ne sont pas remplies, il ne faut pas espérer une libération quelconque des otages américains. Et toute nouvelle démarche sans que ces conditions soient remplies serait inutile. Dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, le président Jimmy Carter organise une réunion crise. Furieux, il veut comprendre ce qui se passe à Téhéran. Et surtout, savoir si c'est Roménie qui tire les ficelles de cet acte brutal, en violation complète avec toutes les conventions internationales. Autour de la table, des diplomates, des experts, des responsables de la CIA. Les échanges sont tendus et les avis partagés. Une chose est sûre, affirme l'un des conseillers du président pour le Moyen-Orient, les étudiants n'auraient pas agi sans l'aval des autorités religieuses. On peut donc en déduire que Roménie ou l'un de ses proches a donné son aval. Un sentiment que partage l'un des professeurs de l'école polytechnique de Téhéran. Après avoir rendu visite aux otages, il livre son analyse au micro de France Inter. Il reçoit des ordres directs de l'ayatollah. Ça veut dire que si l'ayatollah Khomeini leur disait un jour ou l'autre de libérer les otages, ils le feraient également. Ils le feront malgré eux. Est-ce que vous avez le sentiment que Khomeini en ce moment est dans des dispositions telles qu'il pourrait prendre cet ordre? Je ne pense pas, parce que depuis 3 mois que Khomeini essaye de développer cette ligne, et c'était vain, hein, tous ces discours, jusqu'au jour que les étudiants ont décidé de le faire eux-mêmes et partir de la base. Ouvrir un canal diplomatique avec les Iraniens, oui, mais comment ? Hurle au téléphone le chef de cabinet de la Maison-Blanche, Hamilton Jordan, 36 ans, fin stratège et habile communicant, car c'est sur ses épaules que reposent les espoirs du président Carter dans ce dossier des otages. N'oublions pas que nous sommes à tout juste un an de la prochaine échéance présidentielle. Autant dire que l'affaire hypothèque sévèrement les chances du président sortant s'il n'arrive pas à se dépêtrer de ce bourbier. Et comme si cela ne suffisait pas, la chaîne de télé NBC diffuse plusieurs vidéos d'interrogatoires des otages par les tribunaux islamiques iraniens. Des images qui vont avoir un impact désastreux sur l'opinion publique aux États-Unis. My job in the embassy is in the political section. I'm a foreign service officer with the State Department. J'appartiens à la section politique de l'ambassade, dit cet otage. Je suis arrivé ici il y a 2 mois et demi, envoyé par le département d'État pour voir comment évoluait votre révolution. Question de l'interrogateur. Devant le tribunal des étudiants, pouvez-vous vous étendre sur vos activités? Réponse, no comment, pas de commentaire. Mardi 20 novembre 79. 2 semaines après le début de la prise d'otages, les étudiants iraniens libèrent un premier groupe de 13 Américains, en majorité des personnes malades et des femmes. Désormais, il reste 53 personnes, toujours retenues prisonnières à l'intérieur de l'ambassade. De son côté, l'ONU condamne avec la plus grande fermeté la complaisance des autorités iraniennes dans cette affaire. Les Américains, eux, tentent toujours de se débarrasser du Shah. Hamilton Jordan obtient l'accord du Panama pour que l'ancien monarque iranien puisse poser ses valises dans ce petit pays d'Amérique centrale. Avec le départ du Shah, le chef de cabinet de la Maison-Blanche est convaincu que le climat de tension va retomber et que les étudiants iraniens vont libérer progressivement le reste des otages. Grave erreur d'appréciation, estime de son côté l'avocat français Christian Bourguet. Ancien conseil du guide Roménie, lorsqu'il était en exil, en France, à Neuf-le-Château, il était contacté par les autorités iraniennes pour jouer le rôle d'intermédiaire dans les négociations. Aussi, lorsqu'il rencontre Hamilton Jordan, l'avocat français met-il en garde le chef de cabinet de la Maison-Blanche. J'ai cherché à expliquer que le problème de l'extradition du Shah, du retour du Shah, du retour des biens du Shah, de cet argent que les Iraniens considéraient comme leur appartenant, était un problème fondamental et que si on ne voulait pas prendre conscience de ça, il n'y aurait certainement aucune issue possible au problème des otages. Et la réaction de M. Jordan a été au départ un peu d'étonnement. Il ne croyait pas manifestement que les choses en étaient à ce point-là, que c'était aussi grave que je le disais. Dans les semaines qui suivent, au tout début de l'année 80, diplomates américains et intermédiaires du camp iranien se rencontrent à plusieurs reprises dans une luxueuse résidence genevoise, puis dans le salon d'un hôtel 5 étoiles à Berne et enfin dans une maison discrète de la banlieue du Caire. Au menu des discussions, l'extradition du Shah dans son pays, la libération des otages américains et la création d'une commission de l'ONU pour enquêter sur les crimes des États-Unis en Iran. Sur le principe, les deux camps tombent d'accord. Et au fur et à mesure des tractations, un scénario de sortie de crise se dessine. Le 10 février, 3 mois après le début de la prise d'otage, un accord est sur le point d'être signé entre les différentes parties. Hamilton Jordan, d'ailleurs, est optimiste. Le tout nouveau président iranien, Bani Saad, a laissé entendre qu'il fera tout pour en terminer rapidement avec la crise. Si tout se passe comme prévu donc, les 53 Américains seront bientôt de retour à Washington et le président Carter pourra fêter cette victoire diplomatique. Oui, mais... Bye. Mercredi 13 février, France Inter, le journal Alain Bédouet. Bonjour, cette fois donc Jimmy Carter s'est fâché, comme Téhéran ne veut toujours pas relâcher les otages de l'ambassade, les Américains ont rompu leurs relations diplomatiques avec l'Iran et ils ont donné 24 heures aux diplomates iraniens pour quitter le pays. Le président Carter a pris aussi d'autres sanctions, arrêt immédiat et officiel de tout commerce avec l'Iran, sauf pour les produits alimentaires et les médicaments, et inventaire de tous les biens iraniens gelés aux États-Unis qui pourraient être utilisés pour dédommager les otages et leurs familles. Après 105 jours de crise, les négociations pour libérer les 53 otages de l'ambassade américaine de Téhéran sont au point mort. Quelques heures plus tôt, les autorités iraniennes ont fait volte-face et au passage, elles ont fait voler en éclats le compromis pour mettre un terme au conflit diplomatique avec les Américains. Sur le papier, le projet d'accord prévoyait ceci. L'ONU crée une commission d'enquête pour déterminer les ingérences américaines sur la politique iranienne. De son côté, l'Iran invite la dite commission à séjourner à Téhéran et lui propose de rencontrer les otages. Les États-Unis acceptent de ne pas intervenir durant tout le processus. Enfin, les résultats d'enquête connus, les Iraniens s'engagent à relâcher les 53 Américains. Chacun rentre chez soi. L'affaire des otages de l'ambassade de Téhéran se termine. Bien. Le président Carter est d'accord. Le premier ministre iranien et son ministre des Affaires étrangères aussi. Et, chose rare, l'ayatollah Khomeini a, selon certaines sources, validé le compromis. Voilà, l'histoire aurait pu se terminer là. Mais il n'en est rien. On ne l'apprendra que bien plus tard. La situation politique en Iran est alors bien plus complexe qu'elle n'y paraît. Les étudiants refusent la proposition du Conseil de la Révolution de préparer l'évacuation des otages et menacent même de les exécuter en cas d'intervention armée. Ajoutez à cela le discours ambigu du fils aîné de l'ayatollah Khomeini, affirmant que son père n'a jamais donné son accord pour une quelconque libération et vous obtenez une situation totalement confuse, synonyme d'arrêt brutal des négociations. D'où la colère et le désarroi du président Carter. Pendant ce temps, les otages, eh bien, sont toujours otages. Coupés du monde extérieur, nombre d'entre eux se croient abandonnés par leur pays. Leurs conditions de détention sont terribles sur le plan psychologique, comme en témoignera plus tard Mohamed Kennedy. La chose la plus importante était de ne pas penser au mur d'exécution. Heureusement, ils nous ont donné des livres, mais la concentration était très difficile. Mais on a fait des essais et nous étions très fiers de pouvoir compléter un chapitre sans penser à la mort. En ces dernières journées du mois d'avril 80, alors que la nuit tombe sur Téhéran, les négociations semblent avoir atteint un point de non-retour. Au même moment, à quelques milliers de kilomètres de là, sur une base américaine secrète proche du Caire, en Égypte, des avions de transport militaire décollent avec à leur bord des commandos des forces spéciales. Leur mission, classée secret défense. Les ordres, ils émanent directement du président Carter. Dans la nuit, les trois appareils quittent l'espace aérien égyptien. Ils éteignent leur transpondeur, ils s'alignent sur un cap nord-est et foncent tout droit sur l'Iran. Simple échec militaire ou gaffe colossale, l'avenir le dira. Mais ce soir, il faut bien avouer qu'on ne comprend pas très bien dans quel guépier s'est mis Jimmy Carter. Une seule chose est sûre, 8 GIs, 8 soldats américains ont trouvé la mort la nuit dernière dans le désert iranien, quelque part entre la côte du Golfe Persique et Téhéran. Si l'on en croit la version officielle, la version de la Maison-Blanche, les États-Unis ont tenté une opération de style Entebbé pour libérer leurs 50 otages prisonniers dans l'ambassade de Téhéran depuis 174 jours. Mais là où les Israéliens avaient réussi, les Américains ont échoué et ils l'ont reconnu immédiatement, avouant leur défaite et leur impuissance au monde entier, ce qui est pour le moins surprenant. Échec militaire cuisant, doublé d'une catastrophe diplomatique sans précédent. L'opération Eagle Claw, comprenez Serre d'Aigle, place l'administration Carter au pied du mur. Planifié par les généraux du Pentagone depuis le mois de novembre 79 et lancé en urgence par le président américain au lendemain de l'échec des négociations au mois d'avril 80, Eagle Claw devait mettre un terme par la force à la prise d'otages de l'ambassade américaine de Téhéran. Le plan était le suivant. Dans la nuit du 23 au 24 avril, trois avions reporteurs venus d'Égypte devaient amener une centaine de membres des forces spéciales américaines en Iran. Au même moment, une dizaine d'hélicoptères de transport étaient censés décoller d'un porte-avions américain stationné dans le golfe arabo-persique. Le point de rendez-vous était fixé sur un terrain d'aviation abandonné près de Tabaz, à plus de 450 km au sud-est de Téhéran. Sur place, les commandos devaient débarquer des avions, puis rembarquer à bord d'hélicoptères et partir pour Téhéran, où ils auraient mené un raid armé sur l'ambassade. Une fois les otages récupérés, ils devaient s'exfiltrer par hélicoptère et rejoindre la Turquie. Mais mal préparé, trop complexe à réaliser, l'opération Eagle Claw tourne au fiasco lorsque l'un des hélicoptères, pris dans une tempête de sable, entre en collision avec un avion de ravitaillement au sol. L'équipage des deux appareils meurt, brûlé vif. L'opération est annulée. Et lorsque les Iraniens découvrent la mascarade, ils rendent publique l'information. Conséquence directe de ce fiasco, le secrétaire d'État Cyrus Vance démissionne et le président Carter doit s'excuser à la télé, l'horreur. C'est moi qui ai pris la décision de tenter l'opération de sauvetage. C'est moi qui ai décidé de l'annuler lorsque les problèmes sont apparus dans la mise en place de notre équipe de sauvetage pour l'opération de récupération. J'en assume l'entière responsabilité. En coulisses, le ministre iranien des Affaires étrangères tente d'éviter la rupture entre Téhéran et Washington. L'avocat français, Christian Bourguet, lui use de toute son influence auprès des autorités iraniennes pour que celles-ci ne surexploitent pas le scandale. Mais malgré les efforts d'un camp comme de l'autre, le malaise entre Américains et Iraniens va rester profond jusqu'à la fin de l'été 80. Au début de l'automne, à la faveur du nouveau contexte géopolitique au Moyen-Orient, un vent nouveau souffle sur l'affaire des otages américains. Depuis quelques semaines, l'Irak de Saddam Hussein a déclaré la guerre à l'Iran de l'Ayatollah Khomeini. Le conflit, terrible sur le plan humain, se transforme rapidement en bourbier. Privés de grandes ressources financières, toujours gelées aux États-Unis, les autorités iraniennes et les proches du guide Khomeini considèrent les otages comme une monnaie d'échange dont il faut maintenant se débarrasser. Grâce à de nouveaux intermédiaires algériens, les deux camps, américains et iraniens, acceptent de s'asseoir de nouveau à la table pour négocier. À tout juste un mois de l'échéance présidentielle, Jimmy Carter sait que le temps est compté. Terrible course contre la montre. Aussi, donne-t-il carte blanche à Milton Jordan pour arriver à un accord. À la grande surprise des émissaires iraniens, les États-Unis se montrent prêts à toutes les concessions. Première d'entre elles, la restitution des biens du Shah aux autorités iraniennes. Deux, le dégel total des fonds iraniens bloqués dans les banques américaines, assorti de 24 milliards de dollars de garantie. Trois, la garantie écrite de non-ingérence américaine dans la politique intérieure iranienne. Le 2 novembre 80, à 48 heures du scrutin aux États-Unis, le secrétaire d'État Warren Christopher apprend que le Parlement iranien ratifie les conditions de libération des otages. Malheureusement pour le président Carter et le camp démocrate, la situation n'évoluera pas jusqu'au vote. À l'issue d'une campagne durant laquelle les deux candidats se sont laissés entraîner sur le terrain de la violence verbale et dans laquelle l'affaire des otages aura eu bien sûr un rôle clé, c'est le candidat républicain Ronald Reagan qui l'emporte haut la main quasiment par chaos. Et pour Jimmy Carter, une nouvelle course contre la montre s'engage pour que la libération des otages intervienne avant la fin de son mandat présidentiel. Mardi 20 janvier 1981, il est un peu plus de 2h30 du matin. L'administration Carter vit sa dernière nuit à la Maison-Blanche. Assis à son bureau, le président sortant s'apprête à vivre sa deuxième nuit blanche d'affilée. Voilà deux jours, en effet, que tout s'est accéléré dans le dossier de la libération des otages. Cette fois, un accord a bien été trouvé avec les Iraniens. Il s'agit maintenant de le finaliser. Debout, à côté du président américain, on trouve Hamilton Jordan. Les deux hommes ont le visage grave. Ils scrutent sans relâche le téléphone. Et les minutes défilent, les heures passent. Les lumières du bureau ovale sont toujours allumées. Jimmy Carter s'est allongé quelques instants sur le canapé. Lorsque soudain, à 6h47, une sonnerie retentit. Carter se précipite et décroche. À l'autre bout du fil, le gouverneur de la Banque d'Angleterre. Ce dernier le confirme, Les fonds américains sont bien en sa possession. Il se prépare à les envoyer aux Algériens qui les transféreront ensuite aux Iraniens. 10h. Toujours aucune confirmation des Algériens. Hamilton Jordan dit alors à Jimmy Carter, « Monsieur le Président, Ronald Reagan est en route pour la Maison Blanche, il sera là d'ici 10 minutes, il fallait vous préparer. » Lorsqu'il sort de son bureau, Jimmy Carter comprend alors qu'il ne peut plus rien faire. Non, malgré tous ses efforts, les dés sont jetés, la partie est sur le point de se terminer sans lui. Une heure plus tard, ce mardi 20 janvier 81 à Washington, Ronald Reagan est intronisé 40e président des États-Unis lors de la grande cérémonie sur les marches du Capitole. Dans les minutes qui suivent, il est l'un des premiers à apprendre l'extraordinaire nouvelle en provenance de Téhéran par la voix de l'un de ses conseillers qui ressemble à tout, sauf au hasard. Et voici que James Brady, le nouveau porte-parole de la Maison-Blanche, tend un petit billet à Ronald Reagan, sans doute pour le mettre au courant de la dernière situation des otages, confirmer éventuellement le décollage des otages de Téhéran. Le vice-président Bush, vous l'avez vu, a tendu l'oreille, également tendant l'oreille à gauche, le leader de la majorité républicaine. Michel Onfroy, l'une des pêches vient de tomber sur les téléscripteurs disant simplement « otage libéré ». Voilà, après 444 jours de captivité, plusieurs mois de négociations secrètes et une opération militaire ratée, les 52 otages américains repartent en avion de Téhéran. Deux escales et une journée de voyage plus tard, ils sont accueillis par une foule de caméras et de journalistes sur la base américaine de Wiesbaden en Allemagne. Parmi ces 52 regards qui se perdent sur le tarmac, éblouis par la lumière des flashs et des projecteurs, on distingue celui de Moorhead Kennedy. Aujourd'hui, son cauchemar prend fin comme celui de tout un pays. Oh, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la prise d'otage à l'ambassade américaine de Téhéran en 1979. Notre invité, l'ancien diplomate Louis Amigues. Bonjour. Bonjour. Je rappelle à nos auditeurs que vous étiez le premier conseiller à l'ambassade de France de Téhéran au moment des faits. Vous connaissez évidemment fort bien l'Iran et vous êtes un témoin privilégié de cette affaire. Alors, à l'écoute de ce récit, vieux d'il y a bientôt 40 ans maintenant, quel est le souvenir le plus fort qui vous revient comme ça? L'image la plus forte de ce que vous avez vécu? De la prise d'otage ou de l'ensemble de mon séjour? Non, de l'épisode prise d'otage. De l'épisode des otages. C'est bien évidemment la visite que nous avons été autorisés à faire et notre déambulation à l'intérieur de l'ambassade. Alors, je voudrais quand même revenir sur un point qui a été oublié et qui n'est pas du tout secondaire. C'est que il y a eu deux occupations de l'ambassade. La première, qui a eu lieu au printemps de l'année 79, relativement peu de temps après le retour de Roménie, et qui a duré plusieurs mois. Ça n'a pas été une prise d'otage à proprement parler, mais pendant ces mois, puisqu'elle s'est terminée au début de l'été, il y a eu une présence étrangère constante à l'intérieur de l'ambassade, présence étrangère iranienne, à l'intérieur de l'ambassade, que les Pasdaran, les nouvelles forces de sécurité de la République islamique... Ce qu'on appelle les gardiens de la Révolution. Les gardiens de la Révolution ont occupé les lieux. Moi, j'en ai eu la preuve en allant un jour rendre visite à un de mes collègues et au portail, j'ai été contrôlé par un gardien de la Révolution et un GI américain. Et que l'ambassadeur des États-Unis, pendant ces mois, ne pouvait plus circuler autrement que avec des voitures, soi-disant pour assurer sa sécurité, mais il y avait toujours devant lui et derrière lui une voiture des dites forces iraniennes, et que par conséquent, ses allées et venues étaient totalement contrôlées. Et qu'au moment où il est parti, à la fin de son séjour, un peu avant l'été, il a été... Les autorités iraniennes se sont conduites d'une manière assez scandaleuse parce que il a été traité honteusement, on l'avait fait partir dans une voiture banalisée. Donc ça veut dire que dès le mois d'avril, les relations diplomatiques de l'Iran sont déjà chaotiques parce qu'avec des relations diplomatiques normales, on fait pas ce genre de choses. Bien entendu, mais le discours de Roménie, qui a toujours été un discours anti-impérialiste, a toujours eu une connotation anti-américaine. Ouais. Ça, c'est clair. Et que la relation avec les États-Unis était quelque chose qui faisait problème à tout le monde. Est-ce que ça explique ça, ce que vous me dites là, que Roménie a donné son aval à l'opération plus tard Je n'en sais rien. Et personnellement, j'ai des doutes. Alors, pourquoi des doutes? Parce que lorsque l'invitation nous a été faite d'aller visiter les otages, j'avais reçu pour instruction de demander... De reprendre les choses dans le bon sens. Lorsque nous protestons près de Bani Sadr, je ne sais plus quel jour, peu de temps après l'ambassade, après la prise d'otage, nous protestons auprès de lui très officiellement et en lui demandant de libérer nos collègues. Il nous répond que ça n'est pas encore possible, etc. Mais que à l'invitation de Roménie et de la sienne, a-t-il précisé, la France était invitée à rendre visite aux otages. J'ai su peu de temps après par collègue que la même invitation avait été également formulée auprès des Suédois et des Algériens. Ouais. Ce qui prouve bien qu'il y avait déjà une différence au niveau de l'invitation. La première fois qu'on en parle au nom de Roménie, la France est seule citée. Et puis, on me rappelle un peu de temps après pour me dire « Ah mais oui, il y en a d'autres ». Et les recollements que j'ai pu faire montraient bien que ça collait pas. Et lorsque ayant obtenu le feu vert pour aller participer à cette visite, j'avais comme instruction de demander que l'ambassadeur d'Irlande, dont le pays assurait à ce moment-là la présidence de l'Union européenne, que l'ambassadeur d'Irlande nous accompagne. Mmh. Et la réponse a été, les étudiants s'y opposent formellement. Il n'était plus question de Roumanie. Donc c'est eux qui avaient le pouvoir de, donc, dans cette affaire-là. J'ai toujours pensé, je ne dis pas qu'ils avaient le pouvoir en 81, mais je pense que cette opération a été montée par des groupes que je n'ai personnellement jamais pu identifier, mais qui n'étaient pas, contrairement à ce que j'ai entendu, les fidèles serviteurs d'une pensée roméniste, voire d'une directive émanant de Roumanie. Mais c'est un bien. Point de vue qui m'est personnel. Non, mais tout à fait acceptable. Maintenant, comment ça se passe? Quand vous arrivez, vous voyez des otages, comment vous les trouvez? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Vous pouvez nous raconter, parce que ça, c'est quand même un témoignage de première main. C'est rare. Alors voilà la façon dont ça se passe. D'abord, on arrive à l'heure prévue, et on commence par passer une bonne heure à attendre dans une espèce de confusion généralisée au milieu de gens qui allaient et venaient. Bref. On finit par nous emmener à la voiture, lesquelles ont été soigneusement, comme les vitres ont été soigneusement opacitées, si bien qu'on ne voit rien à l'extérieur. Et on nous fait faire des tours et des tours à l'intérieur même du campus des Américains. Et puis, à plusieurs reprises, on nous a arrêtés devant un bâtiment. On y a pénétré tout de suite. Et là, on a pu défiler, voir les gens qui étaient là. Lorsque nous avons mis à profit l'heure d'attente pour nous fixer entre nous quatre, on était quatre, il y avait l'ambassadeur de Suède, l'ambassadeur de Syrie, mon collègue chargé d'affaires algérien et moi-même. Mmh. Et nous nous sommes mis d'accord sur quelques points. Le premier, c'est que nous devions garder le profil bas le plus possible, de façon à éviter toute exploitation de cette visite d'une manière tendancieuse. Nous devions protéger nos collègues en nous abstenant de tout signe de reconnaissance à leur égard, parce qu'ils pouvaient là aussi être interprétés d'une manière négative et pouvoir même quelquefois être dangereuse pour nos collègues. Et comme les étudiants, je les appellerai comme ça, nous ont demandé de ne pas adresser la parole aux otages, ça nous convenait parfaitement. Alors, on est passé au milieu de pièces dans lesquelles ils étaient. Et ils étaient maintenus dans des conditions qui, en effet, étaient contraires à toute règle. Ils étaient considérés comme des prisonniers. Les vitres qui donnaient sur l'extérieur étaient bien entendu opacitées, elles aussi. Certains d'entre eux avaient les mains liées. Ils étaient disséminés par petits groupes. Physiquement, ils nous ont pas paru en mauvais état. Mais dans leur regard, vous avez vu une angoisse, comment ça se passe? Dans leur regard, vous savez, on est passé, on déambule, on voit un peu tout, on voit des gens. Nous voulions, vous savez, nous ne voulions pas donner de signes d'intelligence trop prononcés. Donc c'est pas facile. Hein. Il faut rester à la fois très très froid dans tout ça, et en même temps par notre seule présence, leur montrer qu'on les a pas oubliés, qu'il y a des gens qui s'occupent de leur sort. Mais sans un mot. Sans un mot. Sauf lorsque nos escorteurs nous disaient « Ah ben là, vous pouvez les interroger, ce monsieur ou celui-là. » Ce que certains ont fait, mais en restant sur des questions basiques comme « Est-ce que la soupe est bonne ?» Enfin, ouais. Mais moi, je me suis abstenu de le faire, me tenant à ce qui avait été notre décision à tous les quatre en commençant. Nous avons essayé, sans le dire à personne, et sans nous être donné le mot, de les compter. Ce qui n'a pas été facile, parce que nous ne pouvions pas prendre de notes. À la fin, et après avoir déambulé à travers l'ensemble de l'ambassade, on est arrivé à des chiffres qui tournaient autour de 60, donc qui coller avec ce qu'on a su par la suite. Oui, tellement. Les Américains ne nous ont jamais dit à aucun moment combien étaient détenus. Ça a été tenu secret absolument par la diplomatie américaine. Je rappelle que c'était le 10 novembre, hein, le 10 novembre 79. Donc c'était au bout de 12 jours de prise d'otage. On était au début finalement de la prise d'otage. Ça a été tout à fait au début. On a rencontré Bani Sadr à plusieurs reprises et on a beaucoup assisté. À la suite de cette visite, on l'a vu, les représentants, c'était les représentants du Conseil de sécurité qui recevaient. Donc moi, je m'y retrouvais pour la troisième fois et j'ai fait devant mes collègues du Conseil de sécurité le récit de ce que j'avais vécu la veille. Ouais. Et Bani Sadr lui-même a été un peu surpris par les conditions que je lui racontais. Alors il nous a dit, je vais voir ce qu'on peut faire, etc. Après il nous a dit, on va pouvoir faire ceci, on va pouvoir faire cela. C'est toujours resté lettre morte. Mmh. Aucune des promesses qu'il nous avait faites n'a été tenue. Alors, on a parlé de Moorhead Kennedy, hein, oui. qui était là. Vous vous souvenez de lui précisément? Non, pas du tout. On va l'écouter une nouvelle fois en archive, où il raconte sa détention, ce qui fait écho à ce que vous nous avez dit. On nous a amené un certain nombre, groupes de nous, dans les banlieues. On a resté là un mois. Parce que je crois qu'ils attendaient à ce moment une réaction militaire américaine. Quand il n'y avait pas de réaction militaire américaine, on nous a retournés à l'ambassade. Nous avons passé 3 mois, 4 mois, premièrement dans la résidence. C'était le mois de décembre, Noël, la fête de Noël que vous avez vue sur la télévision, toute cette propagande. Mais la résidence était premièrement très difficile pour eux. Beaucoup de fenêtres, des balcons, très facile à échapper. Et aussi, il y avait l'eau chaude, c'était très agréable. Et les étudiants voulaient les chambres de la résidence pour eux-mêmes. Alors on nous a mis dans la cave de la chancellerie. Nous avons fait 3 mois, presque 4 mois, dans la chancellerie, jusqu'au moment de la raid du 25 avril. C'est long, hein? C'est long, ça rejoint ce que je dis sur les conditions inhumaines. Parce que de maintenir des gens dans cette à la fois isolement, incertitude, puis ils ont joué avec certains, on leur bandait les yeux, on leur disait qu'ils allaient être exécutés. Enfin, tout ça a été assez éprouvant, on l'imagine. Plus qu'éprouvant pour eux, ça a été un cauchemar. Que pouvait-on faire? Nous, Français, dans cette affaire-là, nous n'avons pas eu de rôle, sauf cette visite qui nous avait été demandée par Roméni et par Bani Sadr, donc. Et puis, ça a été tout. Je ne pense pas qu'il y ait eu d'autres visites, sauf ce sénateur Hansen, un Américain qui, agissant pour son propre compte, a eu l'occasion de les rencontrer quelques mois après. Bon, mais ça a été un épisode sans intérêt pour la négociation que vous avez racontée. Alors, je dois quand même, là aussi, ajouter quelque chose qui est important. C'est que il n'y avait plus d'ambassadeur au moment de la prise d'otage, c'était un chargé d'affaires. Et que lorsque l'ambassade a été prise d'assaut, Bruce Langen, c'était son nom, sortait du ministère des Affaires étrangères où il avait eu un entretien avec le ministre des Affaires étrangères pour régler un certain nombre de questions, ce qui montre bien qu'en fait on dialoguait, et vous allez voir. Apprenant ça dans sa voiture par un garde du corps qui avait téléphoné, il a fait demi-tour et il est allé voir Yazdi, le ministre, en lui disant qu'est-ce que c'est. Et Yazdi lui a fait exactement la même réponse que celle que vous avez évoquée, à savoir vous en faites pas, c'est une petite crise, rien du tout. Mais pour votre sécurité, on vous garde. Et Boris Langen est accompagné de son preneur de notes et d'un garde, ils étaient trois, je crois, a passé toute la période des otages, non pas au sein de l'ambassade, mais au ministère des Affaires étrangères, dans l'appartement de fonction que le ministère des Affaires étrangères utilise quand il a des hôtes de marque, où il avait un traitement qui était évidemment très différent de celui de ses collègues, et où, tenez-vous bien, ça m'a été dit, je ne crois pas que ça soit histoire, il communiquait avec Washington par le fil qui reliait Téhéran à l'ambassade d'Iran à Washington. Et pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de liaison directe entre Mais les Iraniens avaient mis... enfin, c'était comme ça que Langen communiquait avec Washington, communication qui lui était autorisée. Bien sûr, double jeu. Les Iraniens. Bon, alors, il y a cette prise d'otage, évidemment, mais il y a aussi toute l'année 79, puisque l'Ayatollah revient en février, début février 79. Vous êtes déjà en poste à l'époque? Oui, bien d'accord. Sûr. Moi, je suis arrivé racontez-moi à l'été 79. Racontez-moi cette journée, quand il arrive, on voit ces images avec ces marées humaines. Qu'est-ce qui se passe en Iran en ce moment-là? C'est quoi alors, ce sentiment de mouvement? Ça doit être... terriblement spectaculaire. Non, mais c'est spectaculaire. Il y avait 4, 5 millions, 6 millions d'habitants ouais. qui étaient descendus dans les rues. Vous savez, Téhéran, le centre de Téhéran, ce sont d'immenses avenues sur des 20 kilomètres et elles étaient noires de monde. Et tout s'est très bien passé, les choses étaient très bien organisées pour son accueil, mais c'était très impressionnant. Alors vous me parliez de moments forts, il y en a un autre aussi qui a été extraordinairement important, c'est lorsque au premier jour de la Choura, alors là le chat est encore là, mais au premier jour de la Choura, alors qu'on attendait des manifestations, etc., les Iraniens, sur instruction, sont tous montés sur leur toit et se sont mis à crier au moment où les lumières s'éteignaient parce qu'on était sous l'effet de la loi martiale. Donc Téhéran était plongé dans le noir et la ville de Téhéran est montée sur les toits, enfin la ville. Oui, il y avait aussi beaucoup de haut-parleurs des mosquées. Mais la ville criant sa haine du chat... Allahu Akbar, Marbar Shah, je vous assure que ça, c'est quelque chose d'extraordinaire j'imagine. Sur le plan de la guerre psychologique. En tout cas, l'écho de cet événement... Alors, vous étiez en Iran, mais vous le saviez, mais l'écho a été absolument énorme partout dans le monde. C'était l'un des événements géopolitiques les plus importants de l'après-guerre. Et puis, ça a tellement marqué l'avenir, après, des relations de l'Iran avec les autres pays. C'était fondamental. Fondamental. Parce qu'on aurait pu en parler encore bien longtemps, c'est tout à fait passionnant, mais enfin, l'émission ne dure pas plus d'une heure. Oui, en tout cas, oui, merci, oui. Merci infiniment de votre témoignage, Louis Amigues, d'être venu jusqu'à nous pour nous raconter cet épisode. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné cette occasion de me replonger 40 ans en arrière. Merci, monsieur. Au revoir. C'est l'affaire sensible aujourd'hui, l'affaire de la prise d'otage à l'ambassade américaine à Téhéran 79, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. Livre, référence et vos commentaires si le cœur vous en dit. Merci également à Roland May qui était à la technique aujourd'hui.